Baisse alarmante de la natalité en Europe. Les autorités démentent. Récemment, KLA-TV a fait état d'un net recul de la natalité en Suisse, que l'analyste de données Raymond Hagemann a mis en relation avec les taux de vaccination Covid-19. Si on considère le nombre d'experts qui mettent en garde contre le risque d'infertilité lié au vaccin ARNm, une baisse de la natalité n'a rien de surprenant. Voici des extraits de quelques avis d'experts importants. On craint beaucoup que les vaccins n'entraînent l'infertilité. Il y a des preuves évidentes que cela affecte la fertilité, l'endommage ou en modifie la fonction. Les femmes en âge de procréer risquent une infertilité durable et peut-être à vie. Nous voyons des femmes enceintes qui perdent leur enfant. C'est alarmant. Les données commencent à sortir petit à petit. Nous avons de l'infertilité, de la stérilité, etc. Si ça ne va pas dans la veine, ça se répand par la lymphe et par les liquides tissulaires. Et on sait, grâce à des résultats rendus publics d'essais sur les animaux, que là aussi, en peu de temps, ces nanoparticules se répandent dans tout le corps, s'accumulent, en particulier dans le foie et la rate, mais aussi dans les gonades, c'est-à-dire dans les ovaires et les testicules. Ce qui entraîne naturellement des inflammations et peut conduire à la stérilité dans ces cas-là. Comme Raymond Hagemann souhaitait étudier encore plus précisément le lien temporel, il a exigé des offices de statistiques des pays d'Europe les chiffres de natalité pour le premier semestre 2022. Il a ainsi obtenu pour 18 des 27 pays de l'UE suffisamment de données pour établir une comparaison. Après avoir comparé les naissances de 2022 avec la moyenne des trois années précédentes de 2019 à 2021, il a constaté une baisse dans les 18 pays. Le taux de natalité varie de moins 1,3% en France à un dramatique moins 18,8% en Roumanie. Hagemann et son équipe ont mis ces chiffres en relation avec la fréquence de vaccination du groupe de population en âge de procréer. Conclusion. Dans ces 18 pays et en Suisse, sur près de 160 millions de personnes âgées de 18 à 49 ans, près de 71% ont été vaccinées. Ce groupe d'âge a en fin de compte donné naissance à 7% d'enfants en moins que dans la moyenne des trois années précédentes. Cela représente plus de 110 000 bébés manquants en seulement 6 mois. Après avoir analysé les statistiques, Hagemann conclut qu'il existe dans 13 pays un lien significatif entre la baisse du nombre de naissances et la fréquence de vaccination. Il n'a trouvé aucune corrélation temporelle avec les infections au Covid-19 ou les confinements. C'est pourquoi il exige une étude immédiate pour savoir si les vaccins ont un impact sur la fertilité des hommes et des femmes et pendant combien de temps. Une telle étude ne semble toutefois pas en vue. Au lieu de cela, le 20 septembre, l'Institut fédéral de recherche démographique a fini par publier, en raison du déficit de naissance en Allemagne, qui ne peut plus être passé sous silence, une étude avec d'autres tentatives d'explication. L'étude ne parle ni de l'influence directe des vaccins cités par des experts renommés comme le Dr Vaudargues, ni de l'évolution simultanée dans de nombreux pays voisins. Elle spécule plutôt sur les raisons pour lesquelles les couples pourraient avoir délibérément reporté leur désir d'enfant. Le journaliste Norbert Haring juge toutes ces tentatives d'explication tirées par les cheveux. Sa demande auprès de l'Institut fédéral de recherche démographique concernant l'influence directe de la vaccination sur la fertilité a été balayée d'un revers de main. Combien de temps encore ce mur du silence sera-t-il maintenu ? Un débat public et une présentation objective des effets de la vaccination Covid-19 sont attendus depuis longtemps et doivent être exigés de toute urgence.